La résolution de soutien à la lutte du Parti du Travail de Corée et du peuple coréen pour l'édification d'une puissance socialiste et la réunification nationale a été adoptée au bout du rendez-vous entre les délégations et délégués de partis de divers pays, officiels de la direction du Parti communiste portugais et la délégation des permanents du Parti du Travail de Corée qui ont participé au 40e festival de l'organe du Parti communiste portugais à Vinté. Elle indique notamment... Le respecté camarade Kim Jong-un est élu président du Parti du Travail de Corée lors du 7e congrès du parti. Il a avancé les tâches pour l'éducation fructueuse d'une puissance socialiste sous la bannière de la transformation de toute la société selon le kim-sunisme, kim-jong-lisme, la réunification indépendante de la Corée et l'émancipation du monde. Nous témoignons nos soutiens et solidarité au Parti du Travail de Corée et à son peuple en lutte héroïque pour l'éducation d'une puissance socialiste et la réunification nationale.